Merci d'être venu pour cette troisième séance autour de la musique populaire en Bretagne. Donc on va, effectivement, et Laurent Bigot nous a fait le plaisir et l'honneur de venir... Revival. Merci. Je voulais savoir comment ça se prononce. Voilà, exactement, du Revival, mais comme il vient de me le dire, en fait, en replongeant quand même un peu dans le passé pour resituer par rapport à l'histoire de la musique bretonne. Alors, Laurent Bigot, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quand même quelqu'un qui, sur la musique bretonne, est une des grosses pointures, puisqu'il est un des concepteurs de cet énorme livre qui est vraiment la Bible, qui est introuvable. Moi, j'ai réussi à le trouver par Internet, mais c'est absolument introuvable. Dommage, parce que vraiment, c'est une somme de documentation et de réflexion. C'est rare de trouver ça, quoi. Alors, il y a un petit digeste qui a été fait, qu'on peut trouver. Hein, c'est aux éditions du Chasse-Marie. Donc, alors actuellement, là, Laurent travaille sur le fond sonore de Donatien Laurent, qui avait enregistré au moment des enquêtes une personne originaire de Pleuzévette, hein, sur lequel d'ailleurs Gilles avait à travailler, a fait son livre pour mémoire, qui se trouve ici. Voilà, bon, ben, on va rentrer dans le vif du sujet et puis donner immédiatement la parole à Laurent.